Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. La radio du festival Archipel. Archi Chouette. En direct. De 10h à midi. Archi Nul. Sur Archipel. Archi Fort. Archi Grand. .org. Bienvenue. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Clara. Bonjour Jonathan. Bonjour Rudy. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Ben, on est très contente de vous retrouver aujourd'hui de 10h à midi pour cette première... De 10h à 13h, pardon. Voilà. Même si le jingle est dit jusqu'à midi, mais on a fait une extension de la programmation jusqu'à 13h. Un petit bonus. Voilà. Mais en tout cas, c'est notre première émission et on sera là pendant 10 jours, pendant tout le festival Archipel. Et... Oh. En direct de la maison communale de Plainpalais à Genève. Voilà. Et pour commencer, justement, Simon a réalisé une petite capsule qui résume un peu tout ce qui s'est passé de préparation pour ce festival. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Mais déjà, je suis ravi d'être ici. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette radio. Pour cette première capsule, l'idée c'était d'enregistrer des bruits et des sons durant le montage du festival. Donc c'était pas évident au tout début parce que beaucoup de bruits de visseuses, de bruits de scotch. Toute l'installation, le c'est montage. Ça, ouais. Puis finalement, tous ces petits bruits, mis bout à bout, en fait, ça m'a fait penser, ça m'a évoqué une sorte de machine comme ça, un mécanisme en fait qui s'actionne petit à petit. Donc je suis parti avec cette idée en tête et j'ai commencé à assembler tous ces sons. Et en fait, voilà, c'est vraiment le festival qui se met en route. Donc je vous propose d'écouter cette capsule et voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire écouter les prochaines capsules aussi. On y va. C'est parti. Oui, ich habe zu müssen. Das ist einfach nicht ordentlich. It may be so. Normalement, si je fais ça, je repasse une deuxième fois avant de vous dire ça. Thank you. Merci Simon. Je trouve que ça parle beaucoup de ce qui s'est passé dans ces deux jours au festival. J'ai eu cette impression, ces deux jours qu'on était là, comment le festival, comment l'équipe technique du festival Archipel, il a envahi la maison communale de Plainpalais. Il y a un dispositif technique énorme. Non, il y a des camions dehors. Je crois qu'il y a plus de centaines de parleurs dispatchés dans toute la maison communale. Oui, c'est vrai. On était une sorte de ruche où tout le monde courait dans tous les sens pour installer plein de choses. Et puis aujourd'hui, ça va vraiment être ça durant notre émission. Vous parlez de l'équipe, de la programmation, de l'installation. Donc d'abord, on va rencontrer l'équipe qui a programmé le festival avec les co-directeurs, directrices Marie Janson et Denis Schuller. Et puis les deuxièmes invités, ça sera l'équipe de la scénographie. Tout à fait, qui aussi ils ont occupé différentes salles, les couloirs, la salle de jeu, avec beaucoup de matériaux différents, hein, du bois, de la moquette, des couleurs. C'est les gens qui ont la possibilité de venir voir sur place seront bien contents de découvrir ces endroits assez chill qu'ils ont investi. Et puis, avant de rencontrer Denis et Marie, on aimerait vous parler de notre petit jeu radio qui va être là tous les jours. Hein. Avec l'idée de vous faire écouter un son mystérieux et de demander aux auditeurs et aux auditrices de deviner quel est ce son mystérieux, et celui ou celle qui l'aura deviné gagnera une place pour le concert du soir. Exactement, de tous les soirs, pour tout. Donc au numéro 078 244 57 54, hein, vous pouvez le trouver sur le site du festival, sur la page de Archi Radio, ainsi que le son mystérieux pour qui voudrait le réécouter à l'infini pour se faire une idée plus précise. Et du coup, vous passerez à l'antenne à 11h45. Exactement. Si vous nous appelez précisément à cette heure-là. Exactement. Est-ce qu'on, avant peut-être de déployer encore vite le programme de la radio aujourd'hui, est-ce qu'on veut écouter ce son mystérieux? On l'écoutera plusieurs fois dans la matinée. Est-ce qu'on on l'a prêt, ce son mystérieux? Il est prêt. Mystérieux, c'est mystérieux. Hein. Carrément. On attendra vos possibles réponses. Et on vous laisse le temps de réfléchir. Exactement.